L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Jean-Joël Le Chapelain, nous allons évoquer un événement, ce qui va se dérouler d'ici peu à l'apostrophe, sur le Val d'Oise et également sur un département voisin qui est le département des Yvelines. Deux festivals en un, autrement dit et autrement appelé Orphée et Viva la Vidas, le festival où il sera question de art et handicap. Oui, en effet, c'est un événement qui est un événement dans l'événement, si j'ose dire, puisque en fait le festival Viva la Vida lui existe depuis plusieurs années, ça fait la troisième édition en tant que tel, et il a été rejoint cette année par le festival Orphée, du fait de la volonté de ces deux directeurs qui ont souhaité ce rassemblement étant sur des champs artistiques communs. Et donc on se réjouit de ce grand événement qui d'ailleurs ne fera plus qu'un seul festival à partir de l'année 2018, puisque c'est en biennale que cet événement se produit. Au-delà de la, on va dire, de la partie événementielle, c'est à la base, au départ, la rencontre avec le Théâtre du Cristal, Olivier Coudert. Oui, absolument. C'est d'ailleurs, il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est d'ailleurs Olivier Coudert qui a été reconnu comme pôle départemental sur le handicap il y a déjà quelques années maintenant. Il a donc une mission sur ce registre, mission qu'il a d'ailleurs largement impulsée du fait du travail qui est fait par la compagnie du Théâtre du Cristal depuis longtemps sur cet axe de travail art et handicap, et qui avait proposé un moment de rencontre comme ça, qui d'abord s'était déroulé à Paris, au Grand Parquet, et qui par la suite, nous ayant sollicité, nous avons nous pris le relais et décidé de construire ensemble les éditions 2010, 2012 et 2014, et donc maintenant 2016, et donc nous avons là l'opportunité de réunir des énergies dans un registre qui a été souvent considéré comme étant marginal et qui, on le voit bien, l'est de moins en moins, et fort heureusement, puisque les personnes handicapées ont le droit comme les autres à pouvoir fréquenter les théâtres, et non seulement cela, mais aussi à être des artistes à part entière, comme ils sont, et l'actualité nous en parle régulièrement en ce moment, des sportifs à part entière, par exemple. Absolument. L'apostrophe va accueillir différents événements à cette occasion. L'une des deux inaugurations. L'apostrophe va accueillir parmi ces différents événements l'inauguration le 30 septembre au Théâtre des Louvrais, un colloque qui aura lieu à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy-Préfecture et deux spectacles. Donc un engagement fort, pas simplement en termes de diffusion. Oui, c'est un engagement fort puisque, bon, comme je l'évoquais, nous sommes aux côtés du Théâtre du Cristal. Nous construisons un petit peu ensemble, je peux dire ça de cette façon, ces rendez-vous auxquels, grâce à l'énergie déployé par Olivier Coudert en particulier et son équipe, eh bien, il y a tout un certain nombre de personnalités et d'organisations qui sont associées désormais. Et notre grand désir, c'est évidemment de rendre plus fluide que ça l'est aujourd'hui, et ça l'est de plus en plus, si j'ose dire, chaque jour qui passe, plus fluide cette relation entre les établissements culturels et les établissements médico-sociaux, puisqu'on voit bien qu'il y a une différence de culture et d'approche, et cette différence de culture et d'approche est de plus en plus réduite du fait des initiatives qui sont prises en ce sens, et donc ce travail qui est mené sur le terrain nous conduit aussi à organiser une réflexion et à proposer une réflexion qui, en effet, se traduit par les deux colloques qui étaient évoqués, hein, qui se déroule le vendredi 14 octobre, et qui est mené en complicité, en concertation avec l'Université de Cergy-Pontoise, et un autre colloque qui a lieu le jeudi 6 octobre à Gonesse, à l'hôpital de Gonesse, avec le partenaire de la ville de Gonesse, partenaire culturel de la ville de Gonesse, pour rassembler les les représentants des structures médico-sociales et les représentants des structures culturelles. Et donc il y a en effet un engagement fort, oui, je crois que le terme est juste, et celui de la scène nationale sur cette thématique, parce qu'elle nous paraît extrêmement importante, et qu'un théâtre public non seulement se doit, mais a la nécessité de jouer son rôle dans ce registre pour la mixité des populations et puis la meilleure illustration possible de ce que l'art vivant peut représenter comme initiative. Parmi les spectacles qui seront donc présentés dans ce cadre-là, il y a le spectacle du grand chorégraphe Jérôme Bell le 30 septembre. Il y a aussi le théâtre du Cristal qui pourra aussi présenter son cabaret des frissons garantis. Donc on voit bien que le handicap, ce n'est pas seulement l'affaire de l'ouverture des théâtres, des cinémas, des lieux de culture aux personnes handicapées, mais que l'image du handicap dans le spectacle vivant, c'est aussi sur scène le point de vue du directeur de l'apostrophe que vous êtes, justement sur la place ou voire sur l'image du handicap dans le spectacle vivant. Oui, mais ça n'est pas comme d'ailleurs c'est souligné dans les publications que nous faisons à propos de ce festival par les deux directeurs artistiques de Orphée et de Viva la Vida. Ça n'est pas un supplément d'âme, ça n'est pas s'attacher à montrer des curiosités comme ce pouvait être le cas dans des œuvres, dans des films comme Fear Freaks, dont on peut se souvenir, qui est un film qui était une œuvre de Todd Browning qui parlait de ce rassemblement de personnes handicapées et qui était présenté plutôt comme des monstres de foire, n'est-ce pas, qui a souvent été le lot des personnes handicapées. Donc les personnes handicapées aujourd'hui ont de plus en plus, et c'est heureux, une place comme artistes à part entière et ont quelque chose de singulier à dire, j'oserais dire comme les blonds et les bruns, les grands et les petits, que sais-je. Et donc c'est une bonne chose que nous essayons d'accompagner pour finalement rendre le regard de chacun le plus tolérant possible, le plus simple possible, mais également de permettre à des personnes, et c'est pourquoi je faisais le lien avec les Jeux Olympiques, Paralympiques, parce que là, nous avons des personnes qui ont certes une différence par rapport à la majorité des autres citoyens autour d'eux, mais qui ont aussi des singularités à porter. C'est une différence à ce moment-là, mais qui est totalement positive dans les domaines des arts vivants et sur la scène de théâtre. Et nous rencontrons des œuvres tout à fait formidables, aussi bien celles que chez nous, celle de montée par Jérôme Bell ou par Olivier Coudert avec le cabaret des frissons garantis, mais également dans les 38 autres spectacles qui sont accueillis avec une soixantaine de représentations dans le cadre de ces deux festivals. Dernier mot pour ceux et celles qui nous écoutent, il est bon effectivement de rappeler que ces spectacles, que ces rendez-vous, ces événements s'adressent à tous et pas simplement aux personnes, on va dire, sensibilisées par le sujet handicap. Oui, c'est évidemment tout à fait l'engagement qui est celui du théâtre public, qui ne sélectionne pas ses publics, mais qui souhaite plutôt les mélanger, même si le mot n'est pas très beau, mais enfin, que dans la salle de spectacle, il y ait des grandes différences, et qu'il y ait de grandes différences aussi sur le plateau de théâtre, qui correspondent à la variété de la société. Et on voit que les moments que nous vivons sur le plan international, sur le plan planétaire, aussi bien que sur le plan européen ou français, qui sont traversés par de grandes difficultés sur le plan de la tolérance ou de l'acceptation de l'autre, on voit bien que le travail que nous menons s'inscrit dans une dynamique tout à fait civique et citoyenne et républicaine de tolérance, d'ouverture aux autres, qui est à peu près le seul moyen de pouvoir vivre en harmonie sur cette terre, nous semble-t-il. Merci Jean-Joël Le Chapelain pour votre intervention et pour effectivement le lancement en quelque sorte de cet événement, deux festivals en un, Orphée et Viva la Vida. Merci à vous. C'est moi, merci beaucoup à RGB.